être assis sagement sur le canapé, aimer ma femme et scotcher la télé. Je ne veux jamais être un vieux. S'il m'homme fait du bruit à côté, une gifle, on mérite le respect. Je ne veux jamais être un vieux. Apprendre bien sûr à ses enfants à parler un langage décent. Je ne veux jamais être un vieux. Dire toujours va pas voir par là, le diable y est peut-être déjà. Y a pas de raison d'être curieux. Mets tes œillères et va ton chemin. Ne crois que ce qui ne changera rien. T'arrête pas et tu seras heureux. Pas dire aux petits qu'ailleurs au monde, des pas plus hauts que lui creusent déjà leur tombe. Je ne veux jamais être un vieux. Faut l'isoler d'autres réalités, qu'il voit le monde en Walt Disney. Je ne veux jamais être un vieux. Et qu'il rencontre des gens comme nous, qu'ont de l'éducation, ah, pas des fous. Je ne veux jamais être un vieux. Fermer son foyer, sa famille, n'aimer que et les retenir. De s'approcher trop près de ceux qu'on dit amis, ces inconnus qui ne sont que de passage incongru. Invités à rentrer chez eux. Surtout toujours être en mouvement, s'arrêter est trop déprimant. Je ne veux jamais être un vieux. Surtout ne faire confiance qu'à soi, car tous sont d'hypothétiques Judas. Je ne veux jamais être un vieux. Faire attention à ses affaires, à souvent si on prête on perd. Je ne veux jamais être un vieux. Il faut que tout soit ordonné, que la poussière soit effacée, pour pas qu'elle nous rappelle un peu ce à quoi nous sommes destinés. Notre corps au moins émietté, quand nous aurons tout le temps d'être vieux. À nos douleurs qui nous rappellent qu'on vit un peu. À l'improviste, à la curiosité, aux surprises qui peuvent tout chambouler et faire de nous de jeunes aïeux. faire de nous de jeunes aïeux.